Hello, hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Binomade. Aujourd'hui, on vous emmène au Canada pour rencontrer notre binôme Miss G. Miss G a 3 enfants en bas âge. Elle serait donc ravie d'accompagner une famille qui souhaite s'expatrier au Canada. Miss G, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Miss G, je suis binôme sur le Canada, Canada de l'Ouest et Canada de l'Est. Je travaille dans le monde du voyage et je fais d'ailleurs partie de l'aventure binomade. Et je partage mon temps entre le Canada et la France avec ma petite famille. Et c'est quoi ton coup de cœur au Canada ? Alors, question difficile parce que le Canada est très très vaste, donc j'aurais, je dirais, des coups de cœur dans chaque province, mais je vais peut-être m'arrêter sur un endroit où je me suis plusieurs fois arrêtée justement entre plusieurs voyages pour me reposer et travailler. C'était sur la Sunshine Coast. Alors, la Sunshine Coast, c'est en face de Vancouver, donc dans l'Ouest canadien. Et c'est pas une île, c'est rattaché au continent, mais on peut pas y accéder par la route. Donc c'est une situation géographique assez spectaculaire, ce qui rend cette partie du territoire très attachante. Il faut prendre le ferry en fait depuis Vancouver pour y aller. Et puis là-bas, il y a juste une route qui va jusqu'à un village Lund. Et après, il y a plus de route, il y a que l'océan. C'est assez magique et c'est parfait pour se reposer. Il y a plein de petites galeries d'artistes. De balades à faire, de petits restaurants, c'est idéal. Ça fait vraiment voyager d'entendre tout ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé au Canada ? Alors, je dirais que ce qui m'a surpris, c'est la diversité culturelle qu'on peut trouver dans chaque province. Par exemple, j'ai d'abord connu l'Ouest, et l'Ouest est très très imprégné de culture asiatique, ce qui fait qu'on peut visiter à Vancouver, par exemple, ou à Victoria, de magnifiques quartiers chinois. On y mange d'ailleurs les meilleurs sushis du continent. C'est assez incroyable. Et puis, quand on est à l'Est, on va découvrir des peuples différents, par exemple, des descendants basques et normands, de l'Acadie au Nouveau-Brunswick, des personnes très accueillantes sur l'île de Prince-Édouard, en Gaspésie, etc. Voilà, chaque province est très imprégné d'une culture très différente. Original, surtout pour cette histoire de sushi. J'aurais jamais pensé qu'on en mangerait de si bon au Canada. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un lieu, un spot, un hôtel, un espace de coworking, que sais-je, que tu as repéré dernièrement qui pourrait plaire à un binomade ? Alors moi, là-bas, j'aime beaucoup faire du kayak. C'est vrai qu'on peut en faire pratiquement partout. Du canoë ou du kayak, d'ailleurs. Les Canadiens sont très attachés aux deux, et particulièrement sur le Saint-Laurent, parce que on y a, chaque été, il y a la migration des baleines et des belugas qui rentrent dans le fleuve, et on peut partir observer les baleines justement en kayak, ce qui change un petit peu de la manière traditionnelle de partir avec des zodiacs qui font du bruit, etc. C'est assez magique de pouvoir partir au fil de l'eau avec un guide qui prend d'ailleurs un appareil pour écouter le son des baleines sous l'eau. Voilà, ça m'avait vachement marqué. Pourquoi, selon toi, le Canada est une destination adaptée au travail nomade ? Alors, c'est complètement adapté aux télétravailleurs. Je l'ai testé maintes fois, tout simplement parce que on peut vraiment, véritablement trouver ce qu'on veut. Par exemple, je vais donner des exemples que j'ai vécus. À un moment donné, j'avais voulu me poser un mois quelque part pour travailler. Voilà, j'avais dans l'imaginaire de louer une maison au bord d'un lac. Au Canada, tout est possible. Donc là, on se retrouve dans une maison de location au bord d'un lac. Il n'y a que 3 autres maisons autour de ce lac. C'est complètement magique, reposant. Mais on peut aussi vivre dans le dynamisme d'une grande ville comme Vancouver ou Toronto, où là, on peut trouver des appart-hôtels complètement fournis avec le petit déjeuner, par exemple. Et on peut travailler au calme tout en étant à proximité des lieux de vie. Quand on a des enfants, on peut trouver divers types d'endroits qui soient à la fois accueillants, où il y a tout le nécessaire pour travailler. On peut mettre les enfants, par exemple, sur des journées soit en mode garderie, mais aussi en summer camp l'été, pour faire des activités d'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choix et tout est fait pour pouvoir partir l'ordinateur sous le bras, quoi. Bon, à t'entendre, on dirait bien que le Canada est la destination parfaite. Il n'y a plus grand-chose qui nous retient ici. D'ailleurs, c'est quoi l'avantage pour toi d'avoir un binôme, un contact sur place, si on veut s'expatrier au Canada ? Alors, le Canada, c'est comme l'Amérique du Nord, hein, comme les États-Unis, sont des pays avec une administration un peu compliquée quand même, faut le dire. Au Canada, particulièrement, chaque province est quasi autonome, donc a des lois différentes. Donc, il faut à chaque fois essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes de garde pour les enfants, les taxes, tout ça dans chaque endroit qu'on veut visiter. Et c'est vrai que chaque départ au Canada m'a demandé beaucoup de travail en amont, que ce soit pour la recherche de logement, de mode de garde, de voyage, de location de voiture, etc. C'est pas si simple que ça en a l'air. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, il y a beaucoup de lectures à faire, de contacts à prendre. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est sur ce constat-là que je me suis dit que voilà, une conciergerie mondiale pour aider des cours d'expatriation serait bienvenue. Parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas consacrer forcément tout ce temps-là pour partir. Un dernier petit mot peut-être pour motiver nos binomades à tenter l'aventure au Canada ? Alors un petit mot, bah oui, venez au Canada. C'est un pays qui de toute façon été comme hiver peut plaire à tout le monde. Il y a à la fois des coins hors sentier battu, loin de tout comme dans le Yukon, dans le Grand Nord, mais aussi des lieux très vivants au Québec, dans les Rocheuses, etc. C'est une belle opportunité en tout cas pour une courte expatriation. Faut savoir qu'au Canada, on peut rester jusqu'à 6 mois avec un visa touriste, donc partir voyager librement avec son ordinateur, c'est tout à fait possible. Vous voulez en savoir plus sur la Desti et avoir toutes les infos pratiques de Miss G? Rendez-vous sur notre page dédiée sur notre site bi-nomade.com/pays/Canada. À bientôt sur notre podcast pour la découverte d'un nouveau pays et la présentation d'un nouveau binôme.